Salut à tous, bienvenue dans Overdrive. C'est parti pour 90 minutes de musique qui pulse sur le 895 de Radio Dio. En ouverture, le groupe Black Crowes avec ce Remedy, extrait de leur deuxième et peut-être meilleur album, The Southern Harmony and Musical Companion. Le groupe vient de se reformer et ressort en 2024 un nouvel album, Happiness Bastard. J'ai pas eu la chance de l'écouter, mais qui a l'air très très bon là aussi. Donc jetez-vous-y dessus si vous appréciez ce bon vieux Southern Rock. Ce soir, on aura le Dark Medieval Festival qui nous présentera son événement du 4 mai. Et on aura Nathaël pour en parler un peu plus tard. Pour l'heure, on s'envoie tout de suite un extrait du dernier album de Leaves Eyes avec Realms Old Dark Realms. Tout de suite, c'est parti dans Overdrive Radio Duo. Yes, Leaves Eyes, tout de suite, Realms of Dark Waves sur Overdrive. Radio Duo, ce soir, comme j'ai dit au début d'émission, on a l'organisation du Dark Medieval Fest. Est-ce que tu nous entends de ton côté du téléphone? Oui, je te reçois bien. Bonsoir à tous. Encore une fois, merci à toi pour le coup de fil. Donc, pas la première fois que quand t'as au bout du fil et même que tu es venu dans les studios il y a de ça quelques années de la radio. Ouais. Pour nous présenter donc ce Dark Medieval Fest, ce festival métal, à tendance un petit peu métal extrême pagan d'une certaine façon, et d'un autre côté un petit peu un côté un peu plus familial, festif et médiéval. Donc, est-ce qu'on peut faire un petit peu, dans un premier temps, le lien par rapport à l'édition 2023? Alors, l'édition 2023, il me semble que c'était le retour dans vos terres natales, on pouvait dire ça. Donc, comment ça s'est passé au final? Eh ben, on était ravis de pouvoir, effectivement, revenir sur nos terres du Beaujolais. Et puis, l'accueil a été plutôt sympathique, déjà de point de vue local et des habitants pas forcément habitués à ce genre d'événement. Et on a un retour vraiment global très positif, autant du public que des artisans, dont une partie a choisi de revenir cette année, même si on a aussi beaucoup de nouveaux qui nous ont contactés parce que ils avaient entendu parler du festival. Et pour les groupes, pareil, quoi, beaucoup d'échos positifs. Et là aussi, des musiciens qui ont parfois d'autres projets et qui souhaitent revenir nous voir d'année en année. Donc, on a vraiment toute une troupe comme ça qui nous suit. Le staff aussi est pas mal derrière moi chaque année. Donc voilà, nous, en interne, forcément, on a vu quelques petits points à régler. Mais a priori, de l'extérieur, tout s'est très bien passé. Rien ne s'est remarqué. Et tout le monde est plutôt satisfait, donc c'est pour ça qu'on a décidé de remettre le couvert cette année, tout simplement. Ça nous motive de voir que les gens sont satisfaits de notre travail, donc c'est parfait. Donc vous ne regrettez pas, on va dire, l'édition à Villeurbanne, il me semble que c'était 2022. C'était à Bron. À Bron. On regrette de ne pas avoir pu faire vraiment ce qu'on voulait, c'est surtout ça qui nous a un peu peiné. Là on peut vraiment s'exprimer comme on le veut, autant sur la partie concert que sur la partie marché médiéval, les animations, les combats, le feu. Il y a beaucoup de choses qu'on ne pouvait pas présenter à Bron et qu'on a pu présenter l'année dernière et qu'on va remettre un peu de manière différente cette année, mais sur le principe, on est quand même assez fidèle à ce qu'on a fait l'année dernière. Et puis le gros problème qu'on avait eu à Bron, c'est le fait que la salle ne soit pas gérée tout à fait comme nous. On gère les salles des fêtes de nos campagnes beaujolaises. Et que du coup, ils avaient gardé le bar pour eux. Et c'est quand même quelque chose d'assez important et qui nous avait mis gravement dans la panade à l'époque. Grosso modo, en termes de fréquentation, 2022 et 2023, on est à peu près équivalent, alors que on pensait faire beaucoup plus de monde sur Lyon, et finalement en restant à la campagne on attire autant de monde, donc c'est tout aussi bien pour nous. Comme ça on peut vraiment respecter l'âme du festival tel qu'on le souhaitait, et on a réussi à équilibrer les comptes l'année dernière, donc pour nous c'est une grande réussite, et j'espère que ça continuera comme ça encore cette année. Oui, bien entendu. On peut imaginer qu'à Lyon, vous avez quand même un peu plus de public, mais un peu plus de public qui est tiraillé entre plein d'événements, plein de concerts, plein de choses à faire. Alors que lorsqu'on est dans un petit village du Beaujolais, des concerts de métal, ça ne se fait pas tous les jours. Et forcément, c'est un événement qui est beaucoup plus mis en avant et qui permet de faire rayonner un petit peu ce style-là. Un peu plus, et puis bien entendu dans une fête médiévale se retrouver uniquement à l'intérieur, c'est quand même un peu tristoun, surtout que je crois que l'année dernière vous avez eu la chance d'avoir du beau temps. Ah oui, l'année dernière on crevait même de choses, vous voyez, en été, donc c'était vraiment l'idéal pour revenir sur nos terres et attirer le public local, parce que voilà, nous, c'est vraiment le but de s'intégrer dans le paysage local, hein, pas être que contre métalleux, mais aussi faire découvrir notre univers à des curieux, à des familles qui savent quoi faire de leur samedi et qui peuvent être intéressés par tout ce qu'on propose à l'extérieur. Et d'ailleurs, on a eu le cas, hein, de gens qui sont venus par curiosité et qui ont fini par acheter leur billet pour accéder au concert. Donc, comme quoi, tout est faisable. D'accord. Et justement, quel est le retour un petit peu que vous avez sur ces néophytes? Eh ben, ils ont adoré l'ambiance. En fait, l'ambiance générale qui est vraiment, tranquille, quoi. Finalement, les gens se font une image du public métal et d'autant plus du public métal extrême. Et puis, finalement, ils se rendent compte que c'est très bon enfant et que, qu'on soit métalleux ou pas, on arrive à passer un très bon moment. Et beaucoup nous ont dit, et communiquer vraiment chez les jeunes de la vallée d'Azergues, du Beaujolais, même si, oui, on connaît pas ça, mais on a envie de revenir et on a envie de revenir plus nombreux encore cette année. Donc, on attend avec impatience de retrouver justement ce public néophyte qui a pris son pied l'année dernière, même en ne connaissant pas les codes du métal et surtout ce métal de niche qu'on propose, qui est le pagan, le folk, le viking. Voilà, c'est des choses qui sont pas forcément bien maîtrisées par les gens de par chez nous, mais finalement qui ont bien aimé. Et puis même au niveau de la mairie et des conseillers municipaux, on trouvait que l'ambiance était vraiment vraiment cool et détendue. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a eu le feu vert pour recommencer une édition, parce qu'on a absolument rien eu à signaler, aucun débordement d'aucune sorte. Et ceux qui sont venus découvrir notre univers ont été plutôt conquis et souhaitent revenir. Donc on les attend de pied ferme. Alors justement, cette année, on dirait que vous privilégiez quand même pas mal les groupes français. Est-ce que tu peux présenter l'affiche? Oui, alors c'est vrai que cette année, on a recentré l'affiche un peu sur du français et sur du local. Et pour nous aussi un moyen de s'ancrer dans le paysage métal français. Et en ouverture, on va avoir Vosegus qui devait venir l'année dernière et qui avait dû annuler et qui avait été remplacé par Trollhurt. Ils vont venir cette année ouvrir le festival. Donc ils viennent de Nantes et c'est un pagan black assez personnel et intéressant. Donc que j'attendais déjà avec impatience depuis quelques temps. Et avec un membre en commun, avec Infinitum, qui avait joué en 2022 à Bron, et qui est aussi le leader de Trollhurt. Et donc il a plusieurs groupes à son actif, et ça va faire sa troisième édition sur le festival, donc ça fait partie des fidèles. Ensuite, on aura des groupes intenso un peu locaux, c'est Elixir, donc c'est avec de Grenoble. De Grenoble, et c'est pour nous un peu l'occasion de s'ouvrir à un style un petit peu plus traditionnel, une forme de... Voilà, plus traditionnel, trash black, très efficace, très bien exécuté, mais effectivement pas tout à fait dans la mouvance viking ou pagane, mais je les avais fait jouer au Rock Elite et j'avais vraiment vraiment accroché leur musique. C'est des gars vraiment vraiment super. Des gars qui sont dans la scène depuis maintenant une bonne vingtaine d'années, hein. C'est des vieux briscards et ils proposent vraiment une musique très très accrocheuse et j'avais envie de leur faire une place sur une scène un peu plus imposante que le Rock and Roll, quelque chose d'un peu différent aussi pour eux, mais je pense que leur musique est assez fédératrice, donc j'ai hâte de voir la réaction du public face à leur performance. Après, on va voir un groupe qui nous vient de Tours, mais Dragwald, que j'avais découvert il y a pas mal d'années en arrière sur un concert dans le cloître de l'église de Brou avec Skalmuld, ils jouaient. Et j'avais vraiment accroché sur leur mélange de death à tendance viking avec des instruments folk. Enfin, c'était assez sympa. Donc j'ai suivi leur carrière. Ils devaient venir en 2020, à l'époque où on avait annulé le festival pour cause de Covid. Et on est resté en contact et j'ai cherché un peu le bon créneau pour les faire jouer. Et vu qu'ils viennent de sortir un nouvel album l'année dernière, je me suis dit que c'était la bonne année pour qu'enfin ils puissent venir présenter leur musique chez nous. Après, on aura nos amis barcelonais de Ice Storm, qui ne sont pas forcément encore très connus chez nous, mais leur leader était le chanteur de Dracoon, qui était là l'année dernière, et qui a fait très forte impression. Donc je pense que voilà, beaucoup attendent ce groupe au tournant, parce que ce leader, Marc Wallace, a une aura particulière, une énergie de dingue, et musicalement, Dracoon était très orienté festif. Là, on va arriver sur quelque chose de beaucoup plus death mélodique, très énergique, très rentre-dedans, très, très guerrier. Donc, je pense que ça va vraiment mettre l'ambiance. On enchaînera avec, pour le coup, les locaux de l'étape, parce qu'ils sont vraiment assez proches de la mur. C'est Sans Dragon, qui nous viennent de Mâcon, et qui viennent aussi de sortir un double album l'année dernière, Hiérophante. Et voilà, c'est vraiment pour eux l'occasion de présenter ce double album au plus près de chez eux et devant un public de médiévistes et de métalleux, donc tout à fait l'univers de Sans Dragon. Voilà, c'est vraiment le groupe qui un des groupes qui colle le plus à l'esprit du festival, qui mélange vraiment tout ce qu'on aime. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir. La première fois que vous les avez sur le festival, il me semble. Ouais, alors on est en contact depuis le tout début du festival, mais pareil, on cherchait un peu entre les disponibilités de chacun, puis le Covid, enfin il y a eu pas mal de petites choses, et on cherchait aussi forcément une actualité pour coller à tout ça, et la sortie de leur album était vraiment la meilleure occasion pour les faire venir, donc voilà, c'est enfin concrétisé. Et j'ai hâte de voir ce que ça va pouvoir prendre comme dimension sur la scène du festival. Et puis, en tête d'affiche, on va proposer 14 Dark Centuries, donc les Allemands, qui, pareil, sont des vieux de la vieille dans le style pagan folk, qui vont nous, qui devaient venir en 2022 sur l'édition de Bron, qui avait dû annuler à cause de problèmes de santé du chanteur, et qui vont revenir sur l'affiche du festival. Et malheureusement, je viens d'apprendre que le chanteur a de nouveau des problèmes de santé, mais le chant sera assuré par un guitariste, donc le groupe sera bien présent, mais le chanteur fondateur du groupe a vraiment de gros soucis, ne va pas pouvoir faire le voyage, mais la fête ne sera pas gâchée, le groupe sera bien là, et je pense que ça va en ravir plus plein. Je te propose de diffuser déjà un premier extrait de la programmation 2024 du Dark Medieval Fest qui se tiendra à la mur sur Azerg le 4 mai prochain. C'est tout simplement dans une petite semaine et un jour. Vous pouvez réserver les places sur le lien qu'il y a sur les réseaux du festival et puis même sur le site. Oui, mais c'est sur LOSO. Voilà. Sur LOSO, oui. La seule billetterie en ligne. C'est pas disponible pour les Digitic, les Ticketmaster, ce genre de choses. Non. On s'est focalisé sur LOSO et la billetterie fermera vendredi prochain à 23h59. Voilà. Vraiment, vous avez jusqu'à la semaine prochaine pour prendre les préventes à 25€. Après, on passe au tarif sur place qui sera à 29. Voilà. Ok. Et c'est parti tout de suite pour le groupe Elixir avec A Journey to the Ineffable pour ce groupe grenoblois que vous retrouverez sur le festival. Yeah. Elixir sur Overdrive Radio Dio. Vous les retrouverez lors du Dark Medieval Fest qui se tiendra à Lamur sur Azergue le 4 mai prochain. Pour l'heure ce soir dans Overdrive, on a la chance d'avoir l'organisation au bout du fil qui nous explique un petit peu comment ça va se dérouler. Et on parlait un petit peu hors antenne justement pendant la musique des possibilités, on va dire, de créer une certaine forme d'identité autour du festival, et notamment des choses que l'on voit bien sûr lors du Hellfest ou des grands événements comme ça. C'est bien entendu des décors, c'est des choses en dehors de la musique, mais c'est aussi des boissons rafraîchissantes, parfois légèrement alcoolisées, comme des bières spéciales, autour d'un petit festival qui se situe dans le Beaujolais. Vous êtes quand même une terre de vin. Est-ce que vous avez en tête de mettre en place des produits, on va dire, qui seraient édités spécialement pour le festival ? Alors, ça fait partie des idées de développement du festival sur le moyen et long terme. Voilà, pour l'instant, depuis l'année dernière, on a développé des lignes de merchandising des designs créés par nos soins. Donc là on a une nouvelle collection pour cette année, mais effectivement on aimerait bien pouvoir présenter d'autres choses vraiment en rapport avec avec le festival. Et en fait cette année on va travailler pour la première fois avec une brasserie 100% locale de la Dorsure-Azergue. Et ça fait partie effectivement des plans que j'aimerais peut-être leur soumettre à l'avenir, si on est amené à retravailler ensemble, réfléchir à élaborer une recette spéciale DMF, quoi. Ça serait vraiment sympa, mais voilà. Donc on va voir déjà comment se passe cette année. Un hydromel ou quelque chose comme ça. Alors eux, c'est vraiment, ils sont vraiment sur la bière. Après, sur l'hydromel. J'ai pas encore trop de contacts entre guillemets. J'ai des fournisseurs, mais sont peut-être un petit peu plus gros et donc ont pas forcément d'intérêt à. Ce qui est sympa, c'est que ce soit partagé, on va dire, que l'intérêt soit partagé autant pour nous que pour ceux qui font la chose. Que là, cette année, par exemple, les boissons médiévales, on va se fournir chez les brasseurs du Sornin à Pouilly-sur-Charnieu, mais ils ont déjà une réputation de notoriété et on s'est pas tout à fait le même contact. Alors que cette microbrasserie qui vient d'ouvrir à Lamur, ils sont aussi un peu comme nous en recherche de développement, de créer des nouvelles choses. Donc je pense que cette première étape, en tout cas, ce serait peut-être plus autour d'une bière sur les années à venir. À étudier, parce que on a beau être dans une terre de vin et encore, parce que la mûre sur Azergue, on est plus sur les sapins que sur les vignes. On est dans le Beaujolais, mais plus le Beaujolais vert, donc c'est pas encore trop une terre de vin et de manière générale, les métalleux, finalement, on préfère quand même les bières et les boissons médiévales que le gros rouge qui tâche. Même s'il y en a des très bons ou même des quelques bons blancs, on aura dans tous les cas à la taverne. Hein, on propose toujours du vin, mais c'est vrai que c'est pas ce qui rencontre quand même le plus de succès. On aura deux bières, une blonde, une ambrée, on aura du Moretum et de l'Hypocras blanc. Donc on aura de quoi ravir les papilles des amateurs de, comme tu disais, de boissons rafraîchissantes, en dehors de tout ce qu'on peut avoir comme soft à côté. Mais pour l'avenir, effectivement, si le feeling passe bien et surtout cette édition se passe bien avec la brasserie de Lamur, donc il s'appelle la brasserie Amalté, je pense que ça peut faire partie des idées pour la suite d'avoir une gamme spéciale avec aussi un design spécial. Ça peut être sympathique, oui. Et au niveau justement, j'étais à la médiévale du Rock and Eat il y a de ça quelques semaines avec Rolliver, il y avait, je me souviens, Lancelot qui dispensait des bouteilles. Donc lui, qui n'est pas brasseur, mais qui est plutôt à faire des liqueurs, donc qui vendait ses bouteilles, etc. Rhum, etc. Oui. Des choses assez sympas. Voilà, je ne sais plus où est-ce que j'en étais. Oui, et au niveau des troupes médiévales qui vont accompagner le festival, est-ce que ça va être les mêmes que les années précédentes? Qu'est-ce qui va en être? Alors, les deux principales, effectivement, sont deux qui étaient l'année dernière, mais dans une version un peu différente, avec un peu plus d'espace. En gros, l'année dernière, il y avait trois compagnies, là il y en aura deux, mais qui vont prendre un peu plus de place et qui vont voilà, surtout présenter voilà, des choses un petit peu plus imposantes. Un campement, il y aura du ce qu'ils appellent le chamboulark, c'est du tir à l'arc mélangé à un chamboultou, donc voilà, quelque chose d'assez fun pour les enfants comme pour les adultes. Et bien sûr des combats, il y aura deux spectacles de feu. Donc voilà, ça va être assez sympa. Et ces deux troupes qui sont là aussi très locales, vu que les deux sont localisées sur la Mur-sur-Azergue, qui est un vivier d'assos médiévales, parce qu'il y en a une troisième qui est aussi là-bas, mais bon, on a dit qu'on pouvait pas faire travailler tout le monde chaque année, qu'il fallait faire tourner un peu, mais voilà, il y a de quoi faire sur place, plus des professionnels du combat d'un côté, plus des professionnels de l'animation et du feu de l'autre, donc ils sont assez complémentaires. Et donc voilà, on fait travailler du local en termes de brasserie comme en termes de troupes médiévales. Donc ça nous permet aussi voilà, cet ancrage local dans le paysage de la Mure et de la campagne beaujolaise. Et maintenant, pour ce qui est des festivaliers et justement des personnes qui désireraient venir d'un petit peu loin, qu'est-ce qu'il y a en place? Est-ce qu'il y a un camping, etc.? S'il y a un peu de route qui a été faite et après la journée de concert et les hydratations à l'hydromel et qui désiraient ne pas prendre le volant ensuite? Ouais, alors déjà, pour ceux qui préféraient venir en train, il y a la gare qui est juste en face de la salle. Donc ça, c'est déjà une très bonne option pour ceux déjà qui ne sont pas véhiculés ou qui veulent laisser la voiture au garage. Et surtout, alors c'est pas le camping du festival, mais il y a un camping à 10 minutes à pied de la salle. Je sais que certains y étaient déjà allés l'année dernière, donc il aura ouvert ses portes la veille. Donc voilà, il sera fraîchement ouvert, mais les emplacements sont disponibles pour y poser la tente, il n'y a pas de souci, donc on peut accéder au festival à pied sans problème. Et même pour ceux qui viennent en van ou en camping-car, le parking de la salle est grand et il y a même une station de vidange pour les camping-cars, donc voilà, on peut vraiment accueillir tout type de personnes, véhiculées ou non, en camping-car ou juste en tente, il y a tout ce qu'il faut pour venir sécuriser, repartir sécurisé et dormir sans se foutre en l'air sur la route, que voilà, c'est quand même quelque chose qu'on essaye d'éviter. Et puis dans tous les cas, mieux vaut ne pas prendre le risque, même dormir dans sa voiture c'est mieux, d'autant que il y a beaucoup de choses à côté de la salle, mais il y a aussi la gendarmerie. Donc voilà, au moins on sait qu'ils sont pas loin et qu'ils font des rondes régulièrement, donc faut pas prendre ce risque là mais effectivement, pour ceux qui veulent, il y a un camping à côté. Et puis ceux qui veulent un peu plus de confort, il y a des hôtels, des Airbnb, des gîtes, il y a tout ce qu'il faut. Enfin voilà, c'est une zone quand même à un minimum touristique, donc il y a de quoi se loger dans les environs sans grande difficulté. Donc on dirait que le seul point qui pourrait entacher un petit peu la fête, ce serait les conditions météo. Ah bah c'est sûr que oui, c'est moins... C'est moins festif sous la pluie, ça c'est sûr. Même si voilà, tous les artisans seront abrités, le groupe qui jouera en extérieur sera aussi abrité. Ceux qui font du feu ont une telle puissance que les quelques gouttes qui tomberont dans tous les cas ne pourront pas les arrêter. Maintenant effectivement, c'est plus pour les gens qui décideraient de venir sur le marché sans profiter des concerts. Ben voilà, ça risque de freiner un petit peu les balades en famille ou les curieux. Donc moi, ce que j'espère cette fois, une journée aussi belle que l'année dernière, parce qu'on a eu vraiment un temps magnifique, ou alors une bonne radée et après un temps clément le reste du temps, ça ira très bien. En tout cas, après le mois d'avril qu'on vient d'avoir, je pense que le mois de mai sera quand même meilleur. Oui, ça peut être que mieux, c'est sûr. Voilà, en tout cas, on va se quitter sur le son de Carnal Legacy. On rappelle Hello Asso avec le Dark Medieval Fest pour le 4 mai prochain du côté de Lamur-sur-Azergue. De Lyon, on est à combien? On est à 40 minutes? Ouais, on va dire 50. Allez 50 minutes. 50, mais on est aussi assez proche de Mâcon, assez proche de Roanne. Enfin voilà, il y a quand même pas mal d'autres villes à côté. Et bien desservi par les axes routiers également. Voilà, oui, il y a la 89 qui passe pas très très loin. L'axe principal de la vallée d'Azergue est une route très très praticable sans souci. Et voilà, comme je disais, il y a des dessertes en train, donc voilà, faut pas hésiter à en profiter pour ceux qui viennent du nord ou du sud. L'avantage c'est que la Mure est vraiment en plus à la frontière de plusieurs départements, le 42, le 71, le 69. Donc on peut venir partout, il y a des routes de partout, il y a le train, il y a toutes les commodités, hein, faut pas avoir peur. ça reste civilisé, il y a des banques, des boulangeries, des stations-service, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir passer un bon moment tout simplement. Ok, et ben on va se quitter au son de Sandragon avec le morceau Carnal Legacy pour un groupe qui vient exactement quelques minutes de la région du festival. Un groupe qui se prête à merveille dans la, on va dire dans la thématique et l'identité du site. Je pense qu'ils se sont fait connaître et ils ont eu une petite heure de gloire lorsqu'ils avaient fait, il me semble, la reprise du thème du Trône de Fer. Oui, tout à fait. Oui. Et c'est ce qui les avait mis beaucoup, beaucoup tourné à l'époque. Ouais. Mis en avant, ouais, bien entendu. Ouais. Très bien réalisé d'ailleurs. Donc Sandragon, Carnal Legacy, ce sera au Dark Medieval Fest. Encore une fois, Nathaniel, on te remercie. On se croisera peut-être la semaine prochaine et ça devrait être une fantastique journée. Ah, j'espère. Et puis on vous attend nombreux. Et puis merci à toi pour le soutien depuis la première heure. Eh oui. On remercie encore une fois très chaleureusement Nathanaël Lyon, du Dark Medieval Fest qui se tiendra à Lamure sur Azergues le 4 mai prochain. C'est vraiment pas très loin de chez nous. On a une superbe opportunité d'avoir un très bel événement sur lequel on a à la fois une très bonne programmation musicale ainsi qu'une bonne ambiance familiale pagane et viking. Voilà. De quoi se réjouir, et puis il faut quand même espérer qu'on ait quand même un peu de beau temps d'ici là. Voilà, dans Overdrive Radio Duo, on va continuer maintenant avec le dernier album de My Dying Bride, les Anglais de My Dying Bride, qui viennent d'annuler certaines dates de concert. Alors, j'ai pas vraiment su la raison pour laquelle ils ont annulé ces dates, puisque maintenant c'est quand même assez important, on va dire, de tourner. Néanmoins, on va s'envoyer tout de suite un extrait de leur dernier album en date. C'est paru sur Nuclear Blast. Ça s'appelle An Immortal Binding. Tout de suite pour Overdrive Radio Duo. Il est 22h passé de quasiment 30 minutes avec Thornwick Hymn. Tout de suite sur Overdrive Radio Duo. Il est maintenant 22h36 minutes après le groupe après le groupe My Dying Bride, tout en Spleen, c'était Slave to Sin, sorti sur MNO Music, dans une veine assez proche d'un ministry, avec bien entendu pas mal d'orchestration et de machines. Extrait de cet album Controls and Belief, qui a vu le jour sur MNO Music. Slave to Sin, What Do You Believe? And tout de suite après, c'était tout de suite avant My Dying Bride pour les Anglais, dans la veine bien entendu d'un vieux Paradise Lost. Et maintenant on passe sur de l'extrême avec Swarm, pour ce groupe français qui vient, il me semble, du sud de la France et qui nous font une musique pas piquée des vers, qu'on va envoyer tout de suite avec Step by Step. Et ce n'est pas une reprise de Forbidden. Malheureusement, peut-être. You never play it all again. Yeah! Yes, bien méchant que ce Swarm, mais bien produit également, une grosse production, un gros son, bien métal, step by step, par ce groupe Swarm, tout de suite, que vous venez d'entendre sur le 895 de Radio Duo. Il est 22h, passé de 40 minutes, et on va continuer dans du français. Décidément, on a vraiment de la chance d'avoir d'excellents groupes en France qui n'ont absolument rien à envoyer, absolument personne. Ce sera Code avec ce verset noir qui vient de voir le jour aujourd'hui même du côté de Hammer Art Records, verset noir. On va envoyer tout de suite The Hair of God's Blood pour ce groupe de métal extrême, ce duo qui arrive à nous enchanter avec d'excellentes compositions. Voilà, à Code tout de suite, The Son of a God, tout de suite, c'est sur Overdrive Radio Duo. Voilà pour le groupe Accord. Et on va continuer encore une fois avec du français, avec Benighted et son dernier album, Eggborn, tout de suite. Sorti sur Season of Mist, toujours aussi violent, mais bien produit. Ce sera Eggborn par Benighted. Sans transition, on continue avec Inter Arma et ce Violet Seizures. We'll be right back. Voilà pour Interhammer avec ce Violet Seizures, tout de suite sur Overdrive Radio Duo. On va quasiment se terminer et se quitter. Maintenant, on rappelle la semaine prochaine le Dark Medieval Fest. Ça se tiendra à Lamur sur Azergues le 4 mai prochain. On aura une très belle affiche. Et puis, bien sûr, pour les amateurs de ambiance festive médiévale et viking, le marché médiéval sur place. On va se quitter tout doucement au son de Joe Satriani, extrait de cet album The Elephant of Mars. Ce sera le morceau Sahara. Et on rappelle le www.radioduo.org. On rappelle le www.facebook.com/overdrive-radio-duo. Les podcasts hébergés sur la plateforme Mixcloud également. Voilà, je vous remercie. Je laisse l'antenne maintenant et je vous dis à la semaine prochaine. Les podcasts et les directs vont reprendre. Merci, ciao, bye bye.